Active Overdrive on Radio Dio. Le 895 de Radio Dio en ouverture sur le 895 de Radio Dio, c'était Vulcain avec l'enfer. Bien sûr, c'est le week-end du Hellfest ce soir dans Overdrive. On retrouvera de l'excellente musique et pas uniquement de la musique qui est jouée ce week-end à Clisson. On aura une belle pelletée de musique qu'on va s'envoyer tout de suite avec le dernier album du guitariste de Whitesnake et du Transsiberian Orchestra. Ce sera Joel Orchestra's 13 Crash of Life qui vient de sortir sur Frontiers Records. On s'envoie ça tout de suite avec le morceau qui ouvre cet album sur Frontiers Records. Joel Orchestra's 13, de la bonne musique dans Overdrive ce soir. Rise up to your social. Finally found your boat. vous venez d'entendre le groupe Chrysaor avec cet album Four World paru sur MNO Music et le morceau The Disciple dans une veine métal mélodique. On va rester dans quelque chose de très mélodique maintenant avec de l'Aware. Donc là, on est sur les plates-bandes d'un certain Toto ou alors Survivor par le guitariste suédois Tommy Denander. On va écouter Cry of Dawn si vous aimez les Night Flight Orchestra ou alors Night Hawk qu'on avait diffusé la semaine dernière. Europe, le guitariste John Norum, vous devriez vraiment adorer ce disque, c'est frais. Anthropocene, tout de suite, extrait de cet album du groupe. Cry of Dawn, ce sera Devil's Highway, vous écoutez toujours Overdrive, Overdrive, Radio Dio, sur le 895 de Radio Dio, bien entendu. Cry of Dawn avec ce morceau Devil's Highway tout en mélodie. Vous écoutez bien Overdrive, Radio Duo, les petits crachotements de micro son semblent terminés. Donc on va en profiter pour vous présenter le dernier album de Mass Hysteria, Tenas Part 1, deux parties, donc environ 7-8 morceaux. La première partie du diptyque sorti début juin, fin mai, et la suite verra le jour en septembre, normalement. Allégorie dans la brume, ils seront du côté du Plein Air Fest Festival, juste à côté de l'aéroport Saint-Exupéry de Lyon, et ça se tiendra le vendredi 7 juillet. On va s'écouter ça tout de suite. On aura un superbe petit festival ce soir dans Overdrive, Mass Hysteria, Allégorie dans la brume, extrait de Tenas Part 1. C'est parti tout de suite. Notre pompée de Descartes, où l'émotion arrose. Et sur ce plein air fest, vous retrouverez également le groupe Blind Guardian que l'on n'avait pas vu à Lyon depuis de très très nombreuses années. Parole de métalleux, donc Blind Guardian, bien sûr le groupe allemand de Power Metal Cult nous viendra. Ils ont sorti ce dernier album The God Machine qu'on avait déjà pas mal diffusé, donc j'ai décidé de repasser un bon vieux Blind Guardian Vintage, extrait de leur troisième album paru en début des années 90. C'était Tales from the Twilight World, qui est pour moi le premier vrai bon album du groupe, puisque les deux premiers sont plus des essais. Donc le père Andy Kurtz avait vraiment trouvé sa voix. Ici on retrouve de nombreux titres que le groupe interprète toujours sur scène, comme Lord of the Rings, Lost in the Twilight, All Traveler in Time ou ce Welcome to Dying que l'on va diffuser tout de suite dans Overdrive. Ce sera bien sûr sur le Plein Air Fest Festival, Plein Air Fest Festival, avec Blind Guardian que vous retrouverez le vendredi 7 juillet. Et en plus, c'est vraiment pas loin de l'aéroport de Lyon. Dragonflies! Something!

Tool ou même Alice in Chains et Devin Townsend. Donc certaines influences extrêmes, mais également une volonté de créer des ambiances comme sur ce Diamond Shape, sur lequel on ressent des influences du groupe, d'un autre groupe français, excellent groupe français, Clone. Tout de suite, Sunbeam Overdrive avec ce Diamond Shape, extrait de cet album Diama, et vous écoutez ça sur Overdrive Radio Duo. We'll be right back. Vous venez d'entendre Sunbeam Overdrive, fantastique album Diama qui vient de voir le jour, donc métal progressif et atmosphérique et alternatif. On balaye la scène années 90 également, des groupes comme Devin Townsend ou alors Clone, c'est une grosse influence il me semble sur ce morceau. Voilà maintenant le thrash metal à l'honneur dans Overdrive sur Radio Dio avec Iceland, réédition de ce premier album. Donc un groupe français de thrash qui était originaire de France, qui nous avait sorti un premier album dans les années 90. Donc le groupe n'avait pas été actif très longtemps puisqu'ils se sont séparés en 98 et quelque chose comme 23 ans plus tard, en 2021, ils ont remis le couvert et décidé de relancer un petit peu la machine en réenregistrant ce premier album. Particularité, trois batteurs français se sont relayés pour enregistrer, et pas des moindres puisqu'on a Dirk Verberen qui est maintenant dans Megadeth. On a également Frankie Constanza, ancien d'Agobah, et Aurélien Ouzoulias qui joue à peu près avec tout le monde, The Prize. Oui, il a énormément, Satan Jokers également, énormément de projets. Iceland tout de suite avec le morceau Brainwashing, voilà du bon trash qui tâche. Yes, Maz Row, tout de suite, Through the Eyes of the Ancient Gods, c'était bien entendu sur Overdrive Radio Duo par Maz Row, Summon by Demons, c'est sorti sur Fireflash, la boîte de Atomic Fire Music, les anciens de Nuclear Blast, de belles petites pépites sur ce nouveau label, Scar Symmetry. Maintenant, sorti sur Nuclear Blast, justement, avec cet album, dernier album du groupe qu'on n'avait pas vu depuis maintenant une petite dizaine d'années, Scar Symmetry, ça reste très très très bon. The Singularity Phase 2, Xenotaph, donc toujours bien entendu du death metal mélodique à la suédoise, des influences diverses, assez progressif là aussi, pas mal de parties mélodiques et puis un chant growlé également. À noter la participation bien entendu du guitariste Per Nielsen qu'on avait vu du côté de Meshuga pendant quelques années, donc faire un petit peu l'intérim chez Meshuga, c'est à peu près vous donner le niveau du gazier. Scar Symmetry tout de suite avec ce morceau, Scorched Quadrant, c'est bien sûr dans Overdrive sur Radio Dio maintenant. Yes, vous venez d'entendre Stellar Circuit, tout de suite extrait de cet album Sight to Sound Witch House, pour là encore une fois du métal très moderne, avec là aussi des touches progressives. Maintenant dans Overdrive, on va quasiment terminer l'émission avec Vomitory, du death metal All Heads Are Gonna Roll, morceau titre pour ce soir. Ça me fait presque penser à un titre de bien sûr Judas Priest, Some Heads Are Gonna Roll. Vous écoutez toujours Overdrive Radio Dio, il est 22h passé de 45 minutes. Vomitory. On va terminer ce soir et on va se quitter sur un air épique avec Immortal is a Return to Cold, extrait de leur album War Against All qui vient de sortir sur Nuclear Blast. Voilà, on rappelle le www.radiodio.org et le www.facebook.com/overdrive-radiodio pour retrouver les podcasts des émissions qui sont hébergés sur la plateforme Mixcloud. Je remercie tout le monde pour l'écoute, je vous souhaite un bon week-end, écoutez beaucoup de musique, vous pouvez regarder les concerts du Hellfest en direct sur la chaîne de YouTube de Arte. Pour l'heure, on se envoie un petit Immortal. Merci, ciao, bye bye. Lash it to me.